Lundi 16 octobre. Pardon le générique, mon Gaétan. Pardon? Oui. N'ajustez pas votre sonorité. Tout ce qui est anormal pendant 120 minutes. Ben c'est Rénal qui va le composer. Pars la cassette. Simone, pars la cassette. Toi, fais-moi. Si je me lève, c'est pas juste la cassette qui va tosser, toi. Monte la cassette. Mais montre-moi l'épaule, je la connais. Place la cassette. Prêt sur jouer. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Émance Rénaldienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 16 octobre 2017, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Mon petit liquide qui pétille. Quand je suis VIP et qu'on ne me prend pas pour un VIP, là, je prends les nerfs. Et pas le petit, là. Parce que je sais, vous allez me dire, il y a plusieurs nerfs, il y a plusieurs sortes de nerfs. Êtes-vous des professionnels au niveau du nerf, vous? OK, vous avez le nerf central au diapason de la nébuleuse. Ça, c'est la centrale horizontale, excusez-moi, horizontale, parce que non, ben oui. En arrière, on me disait, Dépêche-toi, ton risotto est préparé! Ben oui, mais là, je suis en train de faire mon émission. Mets ça dans la veilleuse, puis on... sous la bouillotte, et nous mangerons ça plus tard. Là, nous avons 2 heures de belle émission, et surtout, nous avons un invité des plus exceptionnels que nous nommerons pas maintenant. On va laisser quand même venir l'intérêt. On vole pas toutes nos punchs au début, nous. Nos blagues, on les... Il y en a pas de blagues. S'il y en a, tant mieux. C'est le Saint-Esprit qui rentre dans mon corps. Il sort très rapidement parce que... Faut dire que je suis en... Vas-y, t'es en quoi? Ben, je suis en... Tu es fuyant? Ah oui, moi je suis fuyant comme l'étoile filante. Moi, je suis tellement fuyant, là, que quand tu essaies de prendre une truite entre tes mains, un poisson, ça glisse. Parce qu'il y a un liquide qui s'appelle le liquide slimming. Slimming. Ça, c'est... Ben oui, c'est le terme savant. Sinon, on peut dire visqueux. Et là, ça, c'est pour les enfants, c'est pour les gens qui n'ont pas trop de connaissances, là. C'est pour les néophytes, les novices, les moins que rien, les amateurs. Nous ne sommes pas des amateurs ici à Errance Renadienne. CKRL n'est pas une radio d'amateurs. Nous ne sommes que des professionnels. Arrête de dire ça. Mais aussi, on enlève le « mais ». Raymond, peux-tu enlever le « mais » Oh non, moi, je fais pas de montage, là, mais dans mon vocabulaire, là, dans mon texte que tu me fais lire actuellement, il n'y a pas de texte. Tu veux dire que tout ça, c'est dans ma tête, là. Toi, tu n'existes pas. Tous mes personnages, là, Rita Biblo, depuis je sais pas combien d'années, 10-12 ans, Rita Biblo m'aide dans des... C'est la scripteuse. Ou la scripteur. Non, scripteuse. Échiqueteuse. Plieuse. Rêveuse. Scripteuse. Scripteuse. Mais je préfère scripteur. C'est une scripteur. Non, scripteuse. Non, mais j'essaie de féminiser. Puis même, on n'est pas sur le même diapason quand on féminise. On a eu une discussion il y a quelques semaines avec mes invités, mes deux comédiennes, Marie-Hélène. Vous vous souvenez, Marie-Hélène, la comédienne? Non, je crois pas. Je viens de perdre mon public, là. Mais faites-vous-en pas, je sais vous reprendre parce que ça, c'est le professionnalisme en moi qui parle, là. Je me fais aucun souci, vous allez réembarquer, ne vous en faites pas, vous allez... Même, je suis quand même audacieux, là. Si on n'est pas audacieux dans la vie, on ne fait rien. Il faut voir plus grand. On est déçu parce qu'on dit, ouais. Non, mais il y en a qui sont de même, hein? Jean Drapeau. Au Québec, Jean Drapeau voyait grand. 1976, les Jeux olympiques, on va se faire voir du monde. Mais encore mieux que ça! Le général Le Drôle qui est arrivé, vive le Québec libre! Là, ça nous a coûté, quoi, 3 fois rien, mais on l'a réenvoyé dans son pays! Parce qu'il avait dit une vérité qui nous rongeait l'intérieur, puis on était là entre nous, mais il a dit, au moins, il y a quelqu'un. Puis avant lui, on savait pas où se trouvait le Québec, là. Mais quand le général Le Drôle là, s'est penché devant le micro, il était le même. Non, c'est pas vraiment. Non, c'est un fier, puis un grand 6 pieds, ça, cette affaire-là. Là. Ça, là, c'était aussi grand que Beau Dommage, le géant 6 pieds, le beau 6 pieds, le grand 6 pieds, le doux 6 pieds. Dulcinée, hein? La dulcinée, ça n'a rien à voir, ça. Le général Le Drôle, puis la dulcinée, là. Non. Déjà là, c'est un général. Puis moi, dans ma vie, là, surtout quand c'est militaire, là, je connais pas trop de général. Général qui? Général... Oh, Général Tao, c'est bon, ça! Hey, ça, c'est un de mes mets, parce que c'est sucré. Il y a comme... C'est quoi? C'est-tu du poulet dans le Général Tao? Hey! Je serais heureux de m'appeler. Alors, on vous présente le Général Tao. Bonsoir à tous! Je suis très heureux de vous voir ce soir. Ce sera très sucré, je vous le jure. Mais je ne jure jamais sans être certain de ce que je vais vous proposer. Alors, attention ce soir, en cette belle journée du 13 octobre 2017, à l'errance rénaldienne, car c'est grâce à mon ami Rénald, le grand, pas au niveau de la grandeur, là, mais au niveau de la. Et puis j'ai même pas parlé de si, ni de do, ni de durée. Rénal n'est pas durée. Quoi qu'il est dans la durée. Rénal est dans la durée, puis il est lui-même, il est surpris. Mais c'est bien de se surprendre à un moment donné, là, de ne pas se sentir comme un. Comment t'appelles ça, donc? Pas des livisses, des livasses, des crevasses, des des têtards, mais encore là, des têtards, c'est jeune. C'est très jeune, des têtards, ça vient de naître. Des larves. Des fois, Rénal se sent comme une larve. Une larve sur ta joue. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais chanter. Une larve. Faut faire attention, là. Quand on est habitué de chanter une chanson, hein, au lieu de dire une larme, on peut dire une larve. Et puis là, toutes les femmes courent, non pas en ta direction, mais vers la porte. Ah! Une larve sur ta joue. Ah! Mais quand tu dis, au niveau poétique, une larme sur ta joue. Ah là, les filles restent là, se collent à tes mots, se collent à ta parole, se collent à ta voix. Une larme sur notre passé. Mais je sais qu'un jour, tu sauras me pardonner. Une larme d'amour, mon amour. Hey, ça, là, c'est gagnant, je te le dis. Je te le dis, mon ami, mon champion, mon numéro un. T'essayes de conquérir une demoiselle. Puis tu es un peu timide. Ça arrive, on peut être timide dans la vie. On n'est pas toujours exubérant. Puis surtout, quelquefois, les gens s'imaginent que Rénald Gagné est un être exubérant. Il en est rien! Clémence, dis-leur que c'est vrai. Dis-leur que nous sommes tous un peu dans la timidité un jour ou l'autre dans notre vie. Il arrive un moment où on est face à une réalité qui ne nous appartient pas. Puis moi, écoute, quand j'ai quelque chose qui ne m'appartient pas, je me dis, écoutez, madame. En passant, là, je suis très redondant au niveau des mots, donc excusez-moi pour les oreilles qui sont très aguerries. Ouais, ça saigne encore, c'est pas guéri, hein? Non, c'est aguerri. Ça guérir, hein? Ça va prendre des années, des mois, des siècles. Pensez-vous qu'à la fin de ma vie, ça risque de guérir? C'est une plaie, là. C'est une plaie béante. Béante? Ah, mon Dieu! C'est-tu comme le chanteur, le chanteur Guy Béante? C'est pas Guy Béante, c'est Guy Béard. Est-ce que c'est comme Guy Béard? Guy Béard, c'est qui ça, Guy Béard? Ben, tu viens de dire, le chanteur Guy Béard. Sais-tu c'est qui? C'est toi qui as la connaissance francophone? Guy Béard, c'est qui Guy Béard? Guy Béard. Ben, c'est un joueur de billard, Guy Béard. Qu'est-ce qu'il fait, Guy Béard, dans la vie? Ben, il actuellement, il est mort. C'est son activité première, d'être mort. Mais avant ça, c'était un chansonnier. Puis là, en France, on a beaucoup de difficultés à comprendre le chansonnier, le chanteur, tu sais. Il faut expliquer. Puis là, tu rentres dans la spécificité québécoise, puis ça, c'est très québécois, dans les années 60, où on avait Voilà. On avait des endroits précis, on faisait chanter, jouer, rire notre public. Et puis, Guy Béard ne faisait pas partie. Il était, c'est pas un Québécois, Guy Béard. C'est l'homme qui a mis au monde. Attention, les gars, hey, rapprochez-vous un peu, là. Les Spaillettes aussi, s'il vous plaît. Puis toutes les autres, là. Ben oui. Est-ce que je dois les nommer une après l'autre? Oui? Moi, j'ai aucun problème avec ça, là. Mais Simone Veil, qui nous a quittés il y a quelques mois. Pendant mon passage à Paris, j'en parle beaucoup dans ma... Dans mes... Hey, ça, on comprend vite. Non, mais j'en discute et je l'amène souvent dans la... Ouais. Hey, monsieur! Discussion, discuter. Ah ouais, donc il n'y a pas de problème. On y va, on répète. On tourne, on est puis toi. Bon, hein? Qu'est-ce que tu veux là? Mais moi, c'est une comptine que je veux dire. OK, allez-y. Allez-y, monsieur. Vous êtes monsieur Escampette. Oh, allez-vous prendre la poudre? Non. Oh non, ça c'est mon beau-frère, hein? Tigui le mieux. Ah, lui, il était sa poudre. Puis lui, c'est pas d'Escampette. C'est, vous savez, la poudre que l'on utilise pour les foufounes, les fesses, des petits bébés, pour que ça sente bon. Après un gros caca. Merci. Pas besoin de dire le gros caca. On savait bien que le petit. Quoique, c'est pas un petit. C'est un petit tas d'amour. Ah, c'est bien meilleur. Ah oui. Puis en plus, il y a des gens qui vont manger ça dans les restaurants. On appelle ça de la moulée de clown. Oh mon Dieu Seigneur. Quand ta patate frite, OK? Frise le réticule. Parce que j'ai vu des reportages puis aussi des recherches. Tu mets une frite de ce restaurant de moulée de clown dans un pot, elle peut rester authentique pendant des mois et des mois. Puis je ne sais même pas si une année, ça serait exagéré. Totalement hallucinant. Puis il y a plein de monde qui vont manger là. Moi, ça fait 30 ans que j'ai arrêté ça. La dernière fois, je vais vous le raconter. C'est une belle anecdote. Savoureuse. C'est bien de dire savoureuse. Les gens sont là. Ah ouais. Si tu dis une simple anecdote, oh, OK, bon, il va raconter une bien. Mais quand tu dis savoureuse, on tient le public. Le public est là, attaché sur nos lèvres. Là, j'aimerais ça que vous vous détachiez parce que c'est lourd un peu. Là. Surtout tous les membres de CKRS sur la vavine d'Awa. Je suis pas Mick Jagger, moi, là. Je suis pas la vavine. Je vois la vavine très musclée. J'ai dit musclée. Décrochez-vous de la vavine. Ouais. Décrochez-vous tous de la qu'est-ce qu'ils font s'asseoir, là? Ils sont tous sur la vavine. Bon. On va décrocher sur votre babine, mon cher monsieur, avec une chanson extraordinaire, histoire de vous reposer la mâchoire. Oui, c'est la mâchoire inférieure qui est plus difficile. La supérieure tient bien le coup. On dirait que ça ramène plus vers le bas que par le haut. OK, mais avant, on va analyser tout ça. Mais laissez-vous envelopper par cette chanson. Child in the dark comes and bells. Your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Fancies chase the costumes she shall wear. sleep for 1,000 years, 1,000 dreams. Kiss the boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Hey, ça pour moi, c'est vraiment underground, hein, vrai. Monsieur? D'après vous, c'est pas underground, vous? Qu'est-ce que vous connaissez dans l'underground, mon cher monsieur? Si je vous dis rapidement comme ça, là, très rapidement, là, comme si une voiture de course, une Formule 1 passait devant nous, là, que c'est les Velvet Underground, hein, ça vous impressionne, hein? Ça, c'est un gars, là, qui est désabusé. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que ça fait déjà 20 minutes qu'il attend après son taxi. Puis là, il se dit, selon moi, là, je vais m'accrocher en arrière. Vous avez créé ce qui, dans un élan de poésie mal contrôlée, on s'enlève sur les boulevards, sur les banquettes, devant les skins, on s'en remet en haut. Sans plus se soucier de Lénine, il s'est mal à l'arrière du taxi. Il s'est mal à l'arrière du taxi. Parce que tant que les heures passent, tant que les heures passent. Et peu importe les années, et peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin. Berlin, l'enchanteresse ça. Déjà vieux règne de l'électricité partout, même sous nos peaux. Ford, en passant à Lily Brick, Vladimir Mayakovsky. Il s'est mal à l'arrière des taxis. Il s'est mal à l'arrière des taxis. Parce que tant que les heures passent, tant que les heures passent. Les loups, les loups sont entrés par Paris, par ici. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Old child, young child, feel all right on a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Franciscan night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Thank you. cop's face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Essayez de faire ça dans la vie, de vous placer en arrière d'un taxi à Paris, puis de vous retrouver comme si rien n'était à San Francisco le soir, la nuit. C'est uniquement Errance Rénaldienne qui peut vous arriver à ça, à cette éventualité-là, aussi éclatée, aussi surréaliste. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, ma chérie. J'étais aux Champs-Élysées, n'est-ce pas, lorsque le taxi, vois-tu, m'a pris par derrière, et je ne savais pas qu'il m'avait pris par derrière, et j'ai glissé le long de du véhicule pour l'attraper derrière, et j'ai glissé vers San Francisco dans une seule soirée. Là, tu vas me dire, ma belle chérie, tu étais bourrée, mais je te dis non! Il y avait tous les artistes, tous les gens que j'aimais! Tu veux que je t'en nomme quelques-uns? Non, je risque de me mettre dans l'eau chaude! Et l'eau chaude est si chaude que je peux m'y brûler! Donc, il n'y aura aucun nom de mentionner! Et surtout, il n'y aura aucune explication à ce que je viens de te dire. C'est cela où voilà. Tu prends ou tu prends pas. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu restes ou tu ne restes pas. Je suis pas ici pour te gonfler. Je suis si dégonflé moi-même, tu le sais. Donc, j'étais derrière le taxi. Je te réexplique autrement. Non, mais il faut avoir plusieurs facettes, plusieurs angles afin de comprendre la situation qui est loufoque. Non, pas... Non, mais... C'est... Nous avons un bruiteur, un emmerdeur, une espèce de bon. Un bon à rien, mais on le garde parce qu'on... On sait jamais. Alors, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Est-ce que toi, tu sais, ma petite poilue? Dans l'intimité, je l'appelle ma petite poilue. Mais quand j'ai une petite réflexion un peu scabreuse. Hein, ma petite poilue. Alors, ma petite poilue! Elle aime ça quand je l'aime bien. Elle me regarde avec des yeux mitrailleuses. Mitrailleuses. Oh, ma pèteuse. Donc, ma poilue, on est rendu dans poilue. Ma poilue, ma chatonne, ma tigresse, mes belles fesses abandonnées. Abandonnées puisque c'est juste moi qui peux les conquérir. Ça, c'est une autre histoire. Dans ta vie, tout est une histoire. Et donc, alors je t'explique, j'étais en arrière du taxi toujours. Je tenais par une seule main. Le derrière de cette bécane qui m'amena directement de Paris à San Francisco en moins d'une nuit. J'allais dire d'une soirée, mais d'une nuit. C'était au début de la soirée, il était 20h30, 35, 40. J'avais pris, bien sûr, le pastis avec Reynald sur sa rue des Abbesses. J'avais rencontré son peintre. Sébastien Le Guyen, mais il venait tout juste de partir. Donc, par la suite, moi, on m'a dirigé aimablement Quand on dit aimablement, ça veut dire « tu t'en vas, sinon on te met dans... Ah, » aimablement. Dans le centre de Paris, tout près des Champs-Élysées, là où il y a l'Arc de Triomphe, et puis il y a le taxi, mais je mets derrière, hein, puis il m'a dit où allons-nous? Et moi, bien sûr, étant un véritable bout en train, un petit bout en train, un très petit bout. Et tu sais, mon égérie, mon amour, je suis un petit bout. Petite flûte en chant. Petite flûte en chant. Oui. Mais je sais que tu prends... Oui, tu es... Toi, les boules. Oui. C'est... Alors, j'étais... Attendez, je t'explique autrement. J'étais derrière le taxi à Paris. Puis là, je lui ai dit... À brûle pour point, histoire de le mettre dans tous ses états. Ben, je lui ai mentionné rapidement San Francisco. Et nous sommes partis de Paris en moins de 2-3 heures. Et nous avons rencontré Eric Burdon du groupe Les Animals. Tu connais pas Eric Burdon? Burdon, pas de S, Burdon, du groupe Les Animals. Voyons. Petite chérie, c'est pas Linda Lemay, c'est Eric Burdon. Le c'est mon ami qui fait du sleep. Mais Eric Burdon, tu connais pas Eric Burdon? Excuse-moi, là, je redeviens québécois, là, et je t'ai aimé parce que t'avais un éventail de connaissances qui allait dans ma direction, puis Eric Burdon ne connaît pas ça. Non, mais t'as le droit. Écoute, moi, ton, comment tu l'appelles? Mishmanal Amalin? Je connais pas. Mais tu m'as chanté la chanson, là. Hey! C'est son grand succès. Bon, OK, tant mieux. Bravo. Moi, je trouve que ça donne une certaine effervescence là, dans notre cerveau, dans notre état d'être. Puis c'est vrai que c'est très stimulant. Puis même, c'est quelque chose que j'écoute puis qui me met en transe. Là. En transe. Une transe. Petite transe bien mince, là. Moi, j'aime pas les grosses trans parce que ça cuit mal. Hein? Puis quand. Mais quoi que plus c'est épais, plus c'est saignant. Tu m'as toujours dit ça, mon amour. T'es un épais saignant. Hey, je dois. Excuse-moi, mon petit pigeon. Mon pigeon d'argile. Sais-tu pourquoi je t'appelle mon pigeon d'argile? Non, je te le dirai la prochaine fois. C'est un cadeau. OK? Oh, non, mais il y a une chute. Dans tous mes textes, il y a une chute. Mais pas des textes, là, mais dans toutes mes... Ben oui, c'est des improvisations, mais il y a des chutes. Tu sais, au début, on est avec une fille. On l'aime. Oh, mon amour. Mieux vaut trouver rapidement une petite... un petit mot qui la représente. Donc, exemple, mon petit pigeon, oh mon petit pigeon. Puis là, à la fin, ben là, écoute, ça va pas très bien, puis tu sens que ton couple s'en va vers... ça s'en va, elle, vers un autre mec, puis là, tu l'appelles pigeon d'argile. Ah ouais, pigeon d'argile, m'a tiré. C'est très doux, là, c'est pas tirer dans le sens de tirer avec un fusil, c'est tirer, tire-toi, va-t'en, prends tes valises et tire-toi derrière un taxi. Pour t'amener à San Francisco. Mais là, nous sommes à Québec, dans la belle ville de Québec, et j'étais à Paris. Et là, c'est là que je dois faire mon petit intro, puis c'est ça qui me plaît, là. Aujourd'hui, le vendredi 13 octobre 2017, l'errance. C'est nous autres, ça. Attends, c'est nous autres. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami, aujourd'hui et la semaine prochaine, Sébastien Le Guen. Sébastien Le Guen est un peintre, est un concepteur visuel, est un être qui compose à travers son regard des plus intéressants, des œuvres sublimes. Je vous le présente, il va raconter un peu ce qu'il est, ce qu'il veut vous proposer à travers tout ce qu'il fait. Donc, à partir de maintenant, sur un tapis rouge, comme d'habitude, comme d'hab, c'est qui d'hab? C'est Damien. Normalement, c'était Damien le Michaud, qui avait un tapis rouge. Puis on disait, c'est le tapis d'Ab. Le tapis d'Ab. Ouais. Mais. Puis, exactement. Mais là, il est très, très souffrant. Il a attrapé une laryngite aiguë. Oui, il est en souffrance incroyable. On pourrait peut-être l'avoir au bout du fil. Voulez-vous parler à... Non, on n'a pas le temps. On a déjà... Ben, voyez. On est... Si on fait chanter une petite... On va réfléchir à ça, mais on peut pas réfléchir, là. On est en direct. Ouais. Ben, on peut réfléchir. Mais oui, on dit pas n'importe quoi ici. C'est pas ça que je veux dire, madame. Mais... OK. Mais, hey, si je vous propose une petite chanteuse, là, une grande chanteuse qui nous plaît. Qui me plaît. Et j'espère qu'il vous plaira. Si je vous propose... P. Jerry. Après autant d'effervescence sonore, je vous présente maintenant notre ami pendant tout le reste de l'émission. Et j'espère que vous allez passer, comme disait mon ami Daniel Boucher, une pas pire épopée avec la première partie de cette rencontre exceptionnelle avec Sébastien Le Guen. Et on se retrouve tout au long de l'émission, bien sûr. Alors, vous êtes à Errance Rénaldienne sur CKRL, le 89.1 à Québec. Et ce qui me plaît, là, c'est qu'on vient de faire ça. Et c'est normalement pas dans notre enveloppe sonore. Mais il y en a pas! Voilà, là, Madame Thibodeau, il n'y en a pas là, papa, là, papa, papa, il n'y en a pas d'enveloppe sonore. C'est ça, il n'y en a pas d'enveloppe sonore à notre émission. C'est de l'improvisation, c'est de la musicalité, c'est des choses qui nous enivrent et qui nous amènent plus loin. Et voilà la preuve, à Paris, je l'ai rencontré et c'est un être assez, mais pas assez, c'est un être exceptionnel. Je le renomme. Pour qu'il se bombe le torse en se disant « C'est moi, oui !» Sébastien Le Guen. Après autant d'effervescence sonore, je vous présente maintenant notre ami pendant tout le reste de l'émission. Et j'espère que vous allez passer, comme disait mon ami Daniel Boucher, une pas pire épopée avec la première partie de cette rencontre exceptionnelle avec Sébastien Le Guen. Et on se retrouve tout au long de l'émission, bien sûr. Alors, vous êtes à Errance Rénaldienne sur CKRL, le 89.1 à Québec. Et ce qui me plaît, là, c'est qu'on vient de faire ça. Et c'est normalement pas dans notre enveloppe sonore. Mais il y en a pas! Voilà, là, Madame Thibodeau, il n'y en a pas là, papa, là, papa, papa, il n'y en a pas d'enveloppe sonore. C'est ça, il n'y en a pas d'enveloppe sonore à notre émission. C'est de l'improvisation, c'est de la musicalité, c'est des choses qui nous enivrent et qui nous amènent plus loin. Et voilà la preuve, à Paris, je l'ai rencontré et c'est un être assez, mais pas assez, c'est un être exceptionnel. Je le renomme. Pour qu'il se bombe le torse en se disant « C'est moi, oui !» Sébastien Le Guen. Mandé balé. to say. No regret, no regret. I don't want you to see me. Oh yeah. avec maman. Zazou, mon amai. Nagil, ingénieur du sol, le meilleur, le meilleur. Sébastien Malvo. Bonjour. Bienvenue voilà. À mon émission. Merci. Ça fait plaisir. Et là, tu me demandais hors micro comment on s'est connus. Oui, comment tu as connu mon travail, oui. Ben, de un, grâce à Internet, parce que je suis un curieux. Sur Internet, oui. De deux, grâce à Philippe Perrin. Oui, et, voilà. Qui est un ami en commun. Mon très bon ami Philippe Perrin. Oui, oui. Ouais. Et donc, je suis allé voir ce que tu faisais. D'accord. Et je trouve ça intéressant parce que c'est à la lisière entre ce qu'on peut comprendre de concret et l'abstraction aussi de ton œuvre. Oui, c'est... j'aime bien les mots que tu as employés, c'est concret et c'est à la lisière effectivement de l'abstrait et du figuratif. Enfin, je jongle toujours sur les deux. Comment tableaux. Ça bah, pour dérouter sans doute, hein? Non, pas pour dérouter, c'est une histoire de vagabondage. C'est une histoire d'errance, oui, dans mon flux pictural et créatif, oui. J'ai travaillé par série, parfois des portraits, parfois des silhouettes, parfois des... Donc ça dépend, ça fluctue comme ça. Mais à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais une facilité ou un intérêt pour... Très jeune, mais ma mère, mon père aussi, m'ont inscrit très jeune en cours de modelage, tu vois, de modelage de terre, de terre quoi. Hein, de la glaise, voilà. Ouais. Et puis en cours de dessin aussi, et puis très, très vite, j'ai adoré, j'ai toujours dessiné. Et puis mon père les collectait, les gardait, trucs, machin. Mais tu faisais de la cuisson primitive par la suite, une fois que tu avais... Pardon? Est-ce que tu faisais de la cuisson primitive sur tes... Non, enfin, on cuisait... Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment... j'avais 5, 6, 7 ans. Okay, okay. Hein. Donc on faisait des petites bricoles. On les cuisait quand ça avait une tête pas trop mal. Et puis sinon, ça retournait à la masse. Ah oui, voilà. OK, en motte. En motte, voilà. Et on reprenait après. Et on reprenait, on recommençait. On imbibait ça d'eau et on reprenait. Voilà, exactement. Et c'est là que tu t'es révélé un don, non, une fascination. Enfin, oui, peut-être une fascination plus qu'un don. Parce qu'un don, ça se... Ben, ça vient de l'autre. Ça se travaille, quoi. Ouais. Ça se travaille, ouais. Un don. Ça, mais souvent, parce que il y a comme une mission, tu sens... Oui, non, mais après moi, je crois pas trop en la mission, dans la création. Un petit peu en la déification de la création. Mais je pense qu'un don, ça se travaille et que le travail, c'est un don. Tu vois? Et qu'il n'y a rien sans travail. Il n'y a rien sans travail. Et même si on a un don, si on ne travaille pas, et si on ne le travaille pas, si on le fait pas s'enrichir, il n'y a que dalle. Il voilà, n'y a rien. Et tu t'es attardé après à la peinture ou si tu as fait plusieurs explorations? Non, non, j'ai fait plusieurs plusieurs couches de millefeuilles comme ça. Okay. C'est-à-dire que j'ai commencé par vraiment faire du dessin. Je me laissais aller complètement, mais j'étais enfant, ça c'est complètement autre chose. Après, j'ai continué, mais je devais absolument continuer l'école, enfin faire l'école. Ah ouais. Donc j'ai fait l'école, j'ai fait le lycée, j'ai laissé tomber l'école très très très très jeune. Alors, t'as en seconde. Le bac. Non, j'ai pas eu le bac. J'ai rien eu de tout ça. J'ai pas eu le diplôme d'études. J'ai rien eu. J'étais très feignant à l'école. Et tout ce qui m'intéressait, c'était de faire du dessin. Donc en seconde, j'ai quitté la filière normale et j'ai fait un brevet de technicien en art appliqué. Ah oui. Donc là, j'ai commencé à faire du modelage, oui. Du dessin du nu, du dessin académique, etc. Enfin, j'ai appris le dessin vraiment très au cordeau, quoi. Et puis après, j'ai commencé un peu à faire de la figuration libre, tu vois. Et c'est là que j'ai rencontré Gilles Mahé, c'est là que j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont fait m'intéresser à l'art conceptuel. Donc je suis allé vers la Villa Arson. Et à la Villa Arson, là, il y avait une vague comme ça, un truc très très important à la Villa Arson, c'était qu'il fallait avoir une démarche, il fallait s'inscrire dans une vision un peu conceptuelle de l'art. Ouais. Et je me suis, moi, à ce moment-là, intéressé beaucoup aux situationnistes, aux lettristes, aux futuristes, à l'art nouveau, enfin à l'art nouveau après, mais... et voilà. Et donc j'ai développé tout un petit travail conceptuel comme ça, qui m'a amené jusqu'en 2003 à remporter un café, s'il vous plaît. Donc en 2003, oui. En 2003, ça m'a amené à remporter le prix de la Villa Médicis. Oui, oui. Et je suis parti à New York. Mais qu'est-ce que ça fait de remporter un prix? C'est quand même assez prestigieux. C'est superbe. On témoigne. C'est superbe. Enfin, ouais. Du travail que oui, tu... oui, oui, oui. Puis en fait, je l'ai, ce prix de la Villa Médicis, je l'ai lancé comme ça. J'y ai participé un peu, pas comme ça, parce que je le voulais, mais sans y croire vraiment. Oui, oui, oui. Et quand ça m'est tombé dessus. Lancé à la main. Oui, complètement. Mais vraiment, je me suis dit, on est plein, je l'aurais jamais. Et puis ils m'ont fait venir à l'AFA, etc. Ils m'ont fait parler, ils m'ont fait expliquer mon travail qui était géopolitique à ce moment-là. Et c'était au moment où on partait en guerre contre l'Irak. Donc où les États-Unis partaient en guerre contre l'Irak. Donc c'était un travail assez géopolitique, politisé, mais qui reposait quand même tout sur le titre. Le titre, ça, c'était Le Monde Pensé. Penser comme un pansement avec un A. Ouais. Donc je pensais le journal Le Monde et je pensais Le Monde. Donc à cette époque-là, c'était une prise de position géopolitique et avec des marqueurs forts. Et je suis parti à New York et à New York, j'ai commencé à travailler dans l'atelier. Et avec Douglas Kolk, qui avait été un de mes copains et un des artistes que j'avais assisté à la Villa Arson. Merci. Et un des artistes que j'avais assisté à la Villa Arson. Et lui, il avait un travail très conceptuel à ce moment-là, okay. en 1993. Et quand moi je l'ai rejoint en 2003-2004 à New York, il avait un travail qui était... Et d'ailleurs, moi aussi, on a fait cette espèce de virage en même temps. Il avait un travail qui était beaucoup plus pictural et beaucoup plus sensuel, plus charnel, érotique. Plus emprunt à la matière directement. Et ça m'a influencé et on s'est échangé pas mal de visions picturales. C'est-à-dire moi, ma façon de présenter les papiers dans certaines peintures, ça l'avait intéressé. Et moi, les façons dont il utilisait certains autres supports, ça m'intéressait. Donc on a réussi à échanger comme ça, picturalement, des idées. Vous influenciez On s'est influencé beaucoup l'un l'autre avec Douglas Kolk. Est-ce que ça a été une révélation, ce gars-là? Pour toi? Un petit peu, oui. Est-ce parce que c'était vice-versa lui aussi? Je crois aussi, hein. Bon, il est mort depuis. Mais on en a parlé beaucoup souvent. Il s'est trouvé on est passé du conceptuel à la peinture, hein, finalement, on peut dire ça comme ça, de façon très abrupte. Mais on a glissé doucement de l'un vers l'autre, voilà, en passant vers j'allais dire en régressant, en repassant vers le lettrisme, en repassant vers le dadaïsme, en revisitant des époques qu'on avait survolées et qui nous avaient amené au conceptuel. Et qui finalement je parle pour lui, hein, mais peut-être que c'était pas son cœur, mais qui en fait nous convenait pas. Qu'est-ce qui vous convenait pas là-dedans? C'était... Moi, le conceptuel, c'est le concept qui m'emmerde. Ok. Thank you.

Et j'ai préféré... est là, donc il faut le comprendre comme il est là. Oui, voilà. Puis moi, je me sentais plus proche de la matière que du concept. Ouais, voilà. Je comprends. Je me sentais parce que tu n'as pas à dire pourquoi tu utilises un bleu, tu l'utilises parce que le bleu... Voilà. Parce que je l'ai trouvé, parce que je l'ai bricolé, parce que je l'ai... Parce que je... Tu voulais faire un effet aussi. Moi, je me compare beaucoup à un artisan. Hein. Ouais. J'aime pas trop les artistes. La différence entre un artisan et un artiste? Un artisan, c'est un mec qui a un établi, tu vois, qui travaille, qui bricole, qui retourne le truc, qui va chercher, qui s'intéresse à la matière. Qui s'intéresse à la matière, qui s'intéresse au chevauchement, aux accidents. Un artiste... qui est beaucoup plus attentif. Un artiste est dans la même veine. Hein. Un artiste est aussi quelqu'un qui cherche et qui trouve souvent. Mais je trouve les artistes trop... trop... pas trop cérébraux, mais trop... trop on n'est jamais trop cérébral. Okay. Mais... ils se prennent beaucoup la tête, ils ne travaillent pas assez. Okay. Ah oui. Et après, ils sont empreints d'égocentrisme et de l'ego. Après, si l'ego maniaquerie comme ça, ou l'égocentrisme fait partie du boulot, moi je dis pas de problème. C'est comme Philippe Perrin, ouais. son travail est empreint du surmoi comme ça. Mais c'est parce que son travail le nécessite ce surmoi. Je crois que voilà, il est fondamentalement honnête même quand il est dans l'égotisme comme ça. Mais quand il se met en scène, entre autres. Il se met pas en scène. Il a inventé ce personnage parce que lui était le personnage. Donc il est complètement intègre à ce qu'il est. Ouais, complètement intègre à ce qu'il est. Il joue pas un rôle, c'est lui. Après, je sais que comme tout le monde, il a ses sensibilités, voilà. En général, les artistes n'assument pas ce côté narcissique. Enfin, bon, c'est plus dans le travail, dans la matière, dans la recherche. Pas tous. Et toi, oui. Moi, j'espère. J'espère être dans le travail et dans la recherche, ouais, j'espère. Parce que la matière, la texture, les formes. L'artisanat. Ouais. En plus, je dis ça parce que j'ai cette sensation parfois, parce que je fais tout de A à Z, tu vois. Je construis pas le châssis, mais je mets le châssis, j'enchasse. Je mets le protecteur pour la première couche de liant pour pouvoir peindre sur le truc. Je mets le gesso, j'ai tout ce travail autour de la création qui est vraiment un travail d'artisan. Et, j'achète jamais mes toiles toutes faites, préparées. Tu te prépares à créer une œuvre. Ouais. Alors on me demande si je fais des dessins préparatoires, mais non, je fais pas de dessins préparatoires. Je fonctionne beaucoup avec la théorie du chaos. Ah oui, dans quel état tu te places pour créer? Dans le chaos. Et ce chaos-là, tu le provoques comment? Tout simplement en laissant tout aller. En laissant en vraiment... Transcender tout ça? Non, c'est pas une histoire de... ça peut être une histoire de transcendance aussi, oui. Mais au départ, c'est vraiment concrètement... Concrètement, ça se traduit comme ça, c'est-à-dire que tu vois l'atelier de Francis Bacon. Ouais, bah oui. Bon, bah, l'atelier de Francis Bacon, c'était un cendrier, tu vois, un espèce de cendrier comme ça. Moi, je dis ça, un cendrier, c'est une image, non, mais ouais, c'était bah, un espèce de capharnaüm gigantesque. Un bordel en deux mots. Ouais. Et chez moi, enfin dans mon atelier, c'est un peu comme ça. C'est un peu. Bon, alors bien sûr, on ne marche pas sur des tonnes de... Ouais. Ou des centimètres d'accumulation de trucs. Mais c'est un bordel ambiant, et c'est dans ce bordel ambiant que j'arrive à créer, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Parce que j'aime l'accident, j'aime le chaos. Le chaos, c'est vraiment La pierre angulaire de ton œuvre. Non, mais c'est la vie. Le chaos, c'est la vie. Donc, et la vie, c'est la création. Et donc, je laisse le chaos chez moi s'installer pour pouvoir créer plus facilement. Voilà. Mais voilà, c'est une façon de travailler. Moi, je pourrais pas travailler proprement dans la maniaquerie, ouais, dans le la surpropreté. Dans la rétention, je pourrais pas. Et à quel moment tu t'es forgé un style ou un profil qui... Bah, j'ai eu plusieurs styles. J'ai erré longtemps. Je me suis cherché longtemps. Et puis je me suis perdu longtemps aussi. Hein. Volontairement? Ouais, volontairement. Et volontairement, est-ce que tu m'as dit que tu as fait ça d'une manière volontaire? Oui. Volontaire, oui. C'est-à-dire que mes époques d'errance comme ça, où j'étais encore au borderline, tu vois, enfin vraiment du conceptuel et de la peinture, à l'époque où je faisais les portraits crachés. Alors j'appelais ça les portraits crachés parce que c'était des portraits de Mickey, par exemple de Mickey Mouse ou de Ford, sur lesquels je crachais abondamment. Et, des couleurs pas de couleurs, très peu de couleurs. C'était des fonds blancs, okay. Le dessin était en noir. Par exemple, j'avais fait une tête de... Mais ça avait atterri au Mamco à Genève. Le Mickey craché comme ça, le Mickey portrait craché. Donc c'était un Mickey, donc c'était un portrait craché de Mickey, mais sur lequel j'avais craché abondamment. Donc alors ça lui donnait une teinte comme ça, un peu dégueulasse quand même. Ouais. Mais c'était une époque de ma vie où j'étais un peu punk, où j'avais fait des peintures aussi avec des fonds de posologie médicamenteuse lourde. Mais c'est parce que ces médicaments, je les prenais aussi. Et puis je prenais des drogues, enfin je prenais plein de trucs qui m'ont fait un peu me... Non, pas me dépasser, mais au contraire, je pense qu'ils m'ont fait me perdre un peu dans certaines... ouais, je sais pas. Mon processus créatif a toujours été... un peu comme ça, un peu houleux, un peu. J'ai eu peut-être trois, quatre styles différents, comme ça. Mais finalement, en fait, quand tu les prends les uns après les autres, sont assez, assez révélateurs d'une façon de penser, d'une façon de fonctionner, et puis de là où je voulais aller finalement. Voilà, c'est un chemin emprunté pour voilà. Arriver. Et depuis 2010, à peu près, je fais un travail très coloré. Ah, c'est ce que je connais. Très coloré, mais en même temps très très très très dark parfois. Ouais. Enfin, dark dans l'intention. Ah oui. Tu vois. Ou dans l'inconscience comme ça. Mais enfin voilà, c'est un travail dans lequel je me sens bien et pour lequel j'ai été très très prolixe. Voilà, depuis 2010, je travaille, je ne fais que ça. Je produis énormément, beaucoup. Est-ce que tu jettes beaucoup ou tu gardes la... Non, je jette rien, rien. Gabriella, you've gone too far, and you should hang your head in shame. For these wounds I cannot stay. You've gone too far, you broke my heart, you've gone too far. Errance Rénaldienne sur CKRL NF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Je retransforme tout. Ok. Alors si c'est pas ton. Enfin les trucs que je gâche ou que je fais pas exprès de rater, je les retransforme. En général. Hein. Ça, un peu comme une chanson qui plaît moins, on va refaire une. Oui voilà, oui exactement. C'est un peu comme une chanson. Je garde le couplet. S'il marche pas avec cette chanson là, il marchera avec une autre. Tu vois. Mais même si pour moi la chanson c'est comme disait Gainsbourg, hein, c'est pas mineur. Non, enfin, il y a des poètes hein, en chanson, il y a des poètes. La poésie, c'est quand même un art majeur. Oui, bah oui. Mais la chanson, c'était, enfin, il y a plein de gens qui l'ont dit. Hein, mais Dali l'a dit aussi. Dali avait un mépris souverain pour les chansons, les chanteurs ou les ballets. Il disait dès qu'on a besoin de gesticuler ou de, ou de brailler ou de trucs comme ça pour faire comprendre quelque chose qu'on a envie de dire, ça marche pas quoi. C'est, faut s'arrêter, ça devient vulgaire quoi. Ouais. Comme il disait, est-ce que c'est dur d'être Dali? Non, c'est mou. Mmh. Il y avait des phrases comme ça. Ah, non, mais il avait des bons trucs. Il y a deux, trois personnages comme ça qui ont dit des choses fortes. Des choses fortes, des choses vraies, ouais. Et toi, tu es en mode production depuis quand même quelques années. Depuis très très longtemps. Mais après, comme tu as pu le comprendre dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est que j'ai eu des époques de production rapides, lentes. Plus ou moins fluctuante, plus ou moins réussi, ouais, plus ou moins réussi, et puis des périodes sans trop d'intérêt où je travaillais moins. Ça arrive à tous les artistes, je pense, à moins qu'on soit dans un atelier avec 50 collaborateurs et qu'on n'ait pas le droit de voilà, exactement. Je pense à, par exemple, des artistes comme je vais pas nommer de nom, mais des mecs qui ont 50 assistants. Ils ont une machine à faire fonctionner. Ils ont une machine, ouais, voilà. Mais un jour, moi-même, un galeriste qui est pas non plus, je donnerai pas de nom, mais un galeriste qui marche, mais qui est pas non plus le galeriste numéro 1 de la place de Paris. Ouais. M'avait dit, mais tu sais, Sébastien, si tu veux qu'on travaille ensemble, il faudrait travailler. Hein, parce que moi, je fais pas tourner un kebab à Bobigny. Hein, un jour, tu es comme ci, un jour, tu es comme ça, un jour, tu es à droite, un jour, tu es à gauche, ça va pas. Il faut qu'on sache où tu es, il faut qu'on sache que tu bosses. Il faut que tu sois constant. Et que tu sois constant et que tu nous donnes du grain à moudre. Et du grain à moudre, ça veut dire des toiles, des objets à vendre, une production en tout cas. Si le galeriste est là et qu'il essaye de vendre et que la production n'est pas derrière, il y a un problème. Ah ouais, ouais. Donc c'est ça que j'ai compris un jour. Ben, je trouve que tu étais brillant de te dire ça comme ça. Non, il n'était pas brillant, il voulait me réveiller. Ouais. Il voulait me réveiller, mais il voulait me faire comprendre quelque chose. Ouais. C'est que je ne pouvais pas fonctionner comme ça. À l'instinct. À l'aléatoire, à l'aléatoire, ouais, comme ça. Un coup oui, un coup non, peut-être, je ne sais pas. Après, ça ne veut pas dire que j'ai trouvé des galeristes qui me représentent et qui me soutiennent, à part la galerie en ce moment qui montre mon travail, qui montre mon expo, qui se trouve 16 rue Guénégo, dans le quartier latin, dans le 6e, à Odéon, qui s'appelle la galerie Incognito Art Club, tenue par Arnaud Brumand. Bah, cette galerie, elle me soutient depuis 2003, depuis 2002, époque où on a eu le prix de la Villa Médicis chez lui. Alors voilà. Il y a 14 ans, il était là, il croyait. Exactement, exactement. Et il a vu mon passage justement de art conceptuel vers peinture, et ça ne l'a pas choqué outre mesure. Non. Alors que je sais que dans l'art contemporain, dans le microcosme que je fréquente, qui est le microcosme artistique, hein, ça en a pas choqué, mais mécontenté, enfin je sais pas, entre guillemets, plus d'un, qui se sont dit le Gain, d'accord, il faisait un travail intéressant, maintenant il fait du street art, tu vois. Ah ouais, ouais. Et je fais pas du street art, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je déteste le street art. C'est peut-être des envieux. Non, je ne dirais pas ça. C'est des gens qui ne comprennent pas, je crois. Ouais. Comprennent pas. Mais comment tu fais J'ai un mépris souverain pour le street art. Hein. Je déteste cette. Je trouve même que c'est pas un art, tu vois. Pour moi, les street artistes sont des mecs qui copient des trucs qui ont déjà existé dans les années 70, 80. Et ils font que copier. Enfin, je parle surtout des mecs qui font du tag et du lettrage. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est des copieurs invétérés et qui ne font que copier les trucs qu'ils ont déjà vus et ils se disent tiens, je vais l'arranger un peu, je vais le bricoler un peu mieux. Je vais mettre ça à la sauce du jour. Oui, le mettre à la sauce du jour avec les couleurs qu'il faut en ce moment. Et si vous avez des rideaux bleus et jaunes, je vous le fais en. Tu vois, ouais. C'est pas intéressant. C'est amusant, mais c'est pas intéressant. On peut dire que Mystique en fait. Bah, Mystique. Moi je vais pas être méchant. Hein. Mystique, je pense qu'elle fait autre chose. Okay. Elle fait autre chose, elle fait du pochoir, elle. Alors le pochoir, moi ça m'intéresse. Le pochoir, ça m'intéresse parce que moi j'en fais du pochoir. Mais je fais pas du pochoir comme elle. Je fais pas du pochoir découpé, dessiné, apprêté. Okay. Je fais ce que j'appelle du basique pochoir. C'est-à-dire, et c'est tout ce que je fais d'ailleurs avec de la bombe, hein, pratiquement. Je place des objets, d'autres trucs, on voit dans mes toiles, des chaînes, des clous, des feuillages, et je fais du pochoir avec ça. Mais ça m'ennuie de découper, de... J'aime beaucoup l'aléatoire. Okay. J'aime beaucoup les choses aléatoires. J'aime beaucoup les Quand tu commences à mettre en place, là, ça te fait chier un peu. Mise en scène, quand tu commences à dresser, donc à faire une mise en scène, là, ça te rejoint plus. Ouais, presque, ouais, c'est presque ça. Presque ça. C'est-à-dire que. Toi, ça doit venir de l'instant présent, donc. Ouais. Commencer à t'appuyer. La plupart du temps. Là, tu as commencé à peu près il y a 13 ans à prendre du galon, être reconnu. Et comment on juge. Une œuvre au niveau monétaire. Est-ce que c'est difficile de placer un prix sur ce que tu fais? Alors, je suis très très nul. Comme la majorité des. Je suis pas un marketeur du tout. Je suis pas du tout un type qui sait se servir d'une calculette. Je sais pas faire mes prix moi-même. Donc, je demande beaucoup toujours autour de moi à d'autres artistes qui en ont rien à foutre, s'en foutent complètement, qui me disent mais démerde-toi. Ouais, parce qu'ils veulent garder ça pour eux. Non, mais ils s'en foutent. Vous savez, tu sais, les artistes entre eux. C'est comme des chanteurs entre eux. Ils se disent bonjour, ils s'acceptent. Ils se tolèrent. Voilà. Mais pas plus. Ils se tolèrent, mais. Pas plus. Mais si tu creuses un peu. Non, ils veulent en fait, ils se détestent les uns les autres. Ouais, c'est ça. Ils veulent se graffiner. Mais toi, comment tu juges le prix d'une œuvre? Ah, moi. Écoute, c'est très très très compliqué hein, tout ça, c'est très compliqué. C'est aussi compliqué que ma cote est fixée. Ma cote, j'ai regardé il y a 2-3 ans, je me suis rendu à la FIAC, j'étais invité, et enfin pas invité à exposer, invité pour voir l'expo. Ouais. Et il y avait un type qui était là, que je connais, avec un gros bouquin énorme, et où il y avait toutes les cotes de tous les artistes dedans, paraît-il. Okay. Donc je lui ai demandé, écoute, on va regarder la mienne. Et donc on a été à mon nom, j'étais là, présent, donc déjà ça m'a étonné. C'est positif. C'est positif. Mais en face de mon nom, il y avait une petite vague comme ça. Ah. Je lui ai dit, ça veut dire quoi ce symbole? Il m'a dit, ça veut dire que ta cote est fluctuante. Ma cote, elle est, un coup elle est bien, un coup elle est basse, un coup elle est truc, un coup elle est machin, tu vois.

send a message to God in heaven. Say, I'm thankful to be alive. 'Cause you sleep from 11 to 7 and work hard from 9 to 5. 'Cause can't nobody last forever, and everybody has to die, and everybody needs protection. I pray it don't pass me by, 'cause everybody needs an angel, and everybody needs a smile, and everybody has an angle, and everybody wants tomorrow right now. So say that happiness will never find you until you find yourself. So say that happiness is all around you. It ain't how you measure your wealth. No, I say it's free to be yourself. We all fall short sometimes. It costs nothing. It costs nothing to help sometimes. 'Cause everybody needs an angel, and everybody needs a smile, and everybody has an angle, and everybody wants tomorrow right now. But everybody needs an angel, and everybody needs a smile, and everybody has an angle, everybody wants tomorrow right now, and everybody wants tomorrow right now, and everybody wants tomorrow right now. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.